grande. Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Le Burundi prépare une table ronde à Bujumbura sur la mobilisation des fonds en vue de financer la vision 2040-2060 et c'est du 5 au 6 de ce mois. Dans cette édition, vous suivrez le chargé du Bureau d'études stratégiques et de développement à la présidence de la République du Burundi. Plus de 200 enfants de la commune Muyinga vivent avec handicap sur près de 30 collines. Certains sont sur le banc de l'école aidés par les enseignants et camarades de classe. C'est un reportage d'Evariste Nzikubanyanga que vous suivrez. Et certains habitants de la capitale économique Bujumbura réagissent dans cette édition après l'appel du ministre des Finances appelant le BR à maximiser les recettes. Les citadins estiment que les changements climatiques affectant les récoltes et la fuite de certains investisseurs vers l'étranger sont la cause d'un gap de plus de 110 milliards sur les recettes attendues. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore une fois. Plus de 240 enfants vivent avec handicap sur 29 collines de la commune et province Muyinga. Cet effectif est fourni par Frédéric Vahinda qui pilote le projet de l'UNICEF consistant à la réinsertion communautaire des enfants en situation de handicap en commune Muyinga. Certains de ces enfants en situation de handicap sont sur le banc de l'école. Les enseignants et les directeurs des écoles confirment que certains de ces enfants ont de bonnes notes par rapport aux autres. Les détails dans ce reportage d'Evariste Nzikobanyan. Nous sommes à l'école fondamentale de Muyinga 2, une des trois écoles qui héberge des enfants en situation de handicap. Certains de ces enfants apprécient la façon dont ils sont accueillis par leurs camarades et pensent déjà à leur avenir. On me disait que je ne pouvais pas étudier. Ma mère a été sensibilisée et elle est venue me faire inscrire. Mes camarades m'aident beaucoup et ne me discriminent pas. J'aimerais être enseignant. Je pourrais enseigner les autres pour qu'eux aussi soient intelligents et gagner leur vie et développer le pays. Je joue avec les autres au football. Je suis très content avec les autres car ils ne me discriminent pas. Les enseignants des écoles pilotes qui ont accueilli ces enfants vivant avec le handicap disent n'avoir pas eu de difficulté à encadrer cette catégorie d'enfants. Kanyang Grasse est enseignante à l'Ecofoum Muyinga 2 dans la classe de 6e année. Ces enfants handicapés, je dirais qu'ils sont très intelligents et qu'ils essaient aussi de vivre avec les autres enfants sans handicap. Je dirais que ces enfants n'ont pas beaucoup de défis parce qu'ils se sentent bien en classe et même ainsi au cours de récréation et en cours de route. Ces enfants en situation de handicap réussissent en classe par rapport à leurs camarades, selon le directeur des écoles pilotes, Adinda Yambagé, et le directeur de l'Ecofo Muyinga 2. La preuve en est que sans eux qui occupent les premières places, vous avez passé en cinquième année, l'enfant vous a dit qu'il a été le cinquième année de la classe. Alors que les enfants qui n'ont pas de handicap, qui occupent les dernières places, mais eux occupent les premières places. Cela étant, ces écoles font face à plusieurs défis qui poussent ces enfants vivant avec malformation physique à ne pas s'épanouir comme leurs camarades de classe. Le manque d'infrastructures adéquates est parmi ces défis, selon Ditangalandi Tade, directeur de l'Ecofo Mukoni. Nous demandons aux organisations comme UNICEF de former des enseignants pour ces enfants vivant avec handicap, donner aussi des matériels pour faciliter la tâche d'enseigner ses enfants ou bien de se déplacer. Aussi, notre école, vous voyez, les bâtiments ne sont pas accessibles pour les enfants avec handicap. Les latrines aussi ne sont pas accessibles pour les enfants avec handicap. Frédéric Bahinda, qui pilote le projet de l'UNICEF qui consiste à la réinsertion communautaire des enfants en situation de handicap en commune Muyinga, apprécie l'état d'avancement de ce projet. Cela étant, elle précise que les défis ne manquent pas. Elle promet cependant qu'ils vont être résolus. Avec l'appui de l'UNICEF, nous envisageons, sinon nous avons déjà commencé à faire quelque chose en rapport avec l'adaptation de ces écoles face à l'endroit de ces enfants. Il y a déjà les rampes qui facilitent les enfants à accéder dans les classes. il y a les tableaux qui sont déjà au niveau adapté. Il y a déjà des toilettes, même peu, mais je dirais que c'est un pas franchi de bancs pupitres. Maintenant, même où je vous parle, nous sommes en train de les faire confectionner. Au moment où il est encore prévisible que certains parents cachent leurs enfants vivant avec le handicap dans les ménages, ceux qui ont évolué en cette situation appellent ces parents à abandonner cette mauvaise habitude. Le sexagénaire Boutounou Ali est d'ailleurs au chef-lieu de la commune Muyinga. Il appelle les parents des enfants en situation de handicap à les amener sur le banc de l'école. J'interpelle toutes les personnes vivant avec leur handicap d'intégrer les associations car c'est là où ils vont gagner la vie. J'appelle aussi aux parents d'amener leurs enfants en situation de handicap sur le banc de l'école car eux aussi sont capables d'étudier et les écoles qui puissent les accueillir sont disponibles ici à Muyinga. Au niveau de l'administration communale de Muyinga, l'on salue l'action des organisations comme l'UNICEF qui milite en faveur des droits des enfants vivant avec le handicap. C'est le moment où, le 3 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée des personnes vivant avec le handicap. Et le gouvernement burundais organise du 5 au 6 décembre une table ronde pour la mobilisation des financements en vue d'une mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent 2040 et pays développé en 2060. Pour Alain Dikoumana, chef de bureau d'études stratégiques et de développement à la présidence de la République du Burundi, la mise en place d'un mécanisme adéquat pour que les engagements soient honorés constitue une nouveauté. On l'écoute au micro de Jean de Dieu Irakoze. Ce que nous attendons aussi au niveau des financements, c'est qu'il y aura des engagements de la part de nos partenaires. Et ce qui est une nouveauté en termes de table ronde qu'on a eu à organiser dans le passé, il y a eu des engagements, mais la concrétisation a été problématique. Maintenant, nous avons essayé de mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation, non seulement pour rassurer les investisseurs ou les partenaires classiques, mais aussi essayer de se rassurer qu'il y a un décaissement, parce qu'il y a une différence entre l'engagement et le décaissement en termes de financement. Et je me dis que c'est un pas, parce que le développement, c'est tout un processus. Et la mobilisation aussi doit être considérée dans cette logique. C'est un processus. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont réticents, mais on est là juste pour les rassurer. Alain Dikoumana, chef de bureau d'études stratégiques et de développement à la présidence de la République du Burundi, sera l'invité à la fin de ce journal. Et certains habitants de la ville de Bujumbura estiment que le déficit enregistré par l'Office burundais des recettes OBR au cours du premier trimestre de cette année budgétaire en cours est dû à des investisseurs partis ailleurs à la quête des facilités. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros ce lundi évoquent également les changements climatiques comme autre cause. Suivez ce micro baladeur. Je pense que cet argent s'est volatilisé dans la corruption, car certains produits sont entrés sans payer les impôts. Deuxième chose, c'est la diminution des hommes d'affaires suite aux difficultés rencontrées, car ils ne sont pas facilités dans leurs activités. Ils interdisent les autres de venir s'investir au Burundi, craignant d'être maltraités. Autre chose, ce sont ces hommes d'affaires burundais qui ont peur de placer leurs capitaux dans les affaires économique au pays et préfère le faire à l'étranger. Le fait que l'OBR n'a pas atteint le maximum d'argent qu'il avait prévu, c'est causé par manque de sensibilisation à la population. Parce que la population n'a pas informé sur les différentes modifications des conditions climatiques. Ou la population peut faire dans ces activités quotidiennes, ils travaillent, mais le résultat est nul. Les autres pour laquelle, lorsque un paysan cultive et qui ne parvient pas à récolter ce qu'il a prévu, vous entendrez que même l'État, même le paysan aussi, ne peut pas parvenir à atteindre quelque chose. D'où il y a manque d'argent pour l'OBR. Et quand l'OBR ne parvient pas à atteindre le maximum qu'il avait prévu, il y a quelques activités de l'État qui ne fonctionne pas. Même le paysan en soi n'aura pas à avoir donc les besoins au quotidien. Le paysan devrait avoir donc ces différents constituants qui contribuent dans la production à temps. Et aussi, il devrait être enseigné sur les différentes conditions, donc les différentes modifications climatiques. Et pour rappel, le ministre des Finances a déclaré vendredi que les recettes attendues pour le premier trimestre de l'année budgétaire en cours ne seront pas atteintes. Il a déclaré après une visite effectuée à l'Office burundais des recettes au BEA pour échanger sur des stratégies à prendre pour l'augmentation des recettes. Et c'est au moment où la journée du contribuable sera célébrée ce mardi 3 décembre. Le ministre Audace Niyonzima a précisé qu'il y a écart de plus de 110 milliards sur les recettes attendues. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h10 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Les habitants de la commune de Kayanza se plaignent vu qu'ils achètent le kilogramme de sucre à 8000 francs en Burundi alors que le prix officiel est de 6000 francs Wiga Nguze. Frédéric, représentant des commerçants de cette commune, parle de détournement du sucre par des distributeurs comme cause. Au niveau de l'administration communale, ils ont fait savoir qu'il y a des commerçants du sucre spéculant, prétextant que le sucre conservé dans leur stock a été acheté avant la fixation du prix de 6 000 francs. Et Godefroy Nioni Zigi, administrateur communal de Kayanza, indique que pour lutter contre cette spéculation, un inventaire du sucre conservé par les commerçants de ce produit sera fait prochainement avant que la Sosumo n'approvisionne en ce produit. Le point avec Patrick Nsengiyumf. Les habitants de la commune Kayanza, consommateurs du sucre contactés, disent que ce produit coûtait 8 000 francs le kilogramme, alors que le prix fixé par l'État est de 6 000 francs. Selon ces habitants, les familles à faible moyen ont consommé plus du thé, du fait que le sucre est cher. Certains disaient d'ailleurs que depuis que le gouvernement burundais a fixé le prix de 6 000 francs pour le kilogramme du sucre, les commerçants de ce produit ont continué à le vendre à 8 000 francs. Les habitants à Kayanza demandent que le prix de 6 000 francs le kilogramme du sucre soit respecté, explique qu'il s'approvisionne difficilement en ce produit, étant donné que c'est le E, même les prix d'autres produits de première nécessité a connu une montée très exponentielle au marché. Contacté à ce sujet, Vidianguze Frédéric, représentant des commerçants communes Kayanza et en même état grossiste du sucre en cette commune, nous a fait savoir que le sucre qui s'achète à 8000 francs serait celui détourné par les distributeurs de ce produit et leur demande de se ressaisir avant que des mesures ne soient prises à leur encontre. L'administrateur communal Kayanza fait savoir qu'il est au courant des grognes de la population qu'ils achètent le kilo du sucre à 8000 francs. Godefroy Nionizigui indique que certains des commerçants du sucre prétextent que le prix de 6000 francs pour le kilogramme du sucre a été fixé alors qu'ils avaient dans les restos que le sucre à vendre à 8000 francs. Cette autorité communale à Kayanza indique que pour lutter contre la spéculation, désormais chaque commerçant devra montrer la quantité du sucre qu'il a dans le stock avant qu'il soit approvisionné en son produit sur le mois de décembre. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et pour rappel, le ministre de l'Intérieur a instruit au gouverneur de province et le maire de la ville de Bujumbura de faire respecter les prix du sucre et d'autres produits. Dans une correspondance du 15 novembre de cette année, Martin Niteretse a rappelé que le prix du sucre est de 6 000 francs burundais le kilogramme au dernier consommateur comme fixé par le ministère en charge du commerce. En date du 17 octobre de l'année en cours, le ministre a ainsi ordonné à ses administratifs de s'impliquer davantage pour le respect des prix et prendre des sanctions qui s'imposent aux contrevenants. Martin Niteretse a précisé que cette instruction vaut également pour les autres produits, en l'occurrence les produits Braroudi. Et les réfugiés du camp de Moussaigne en commune Guiharo de la province Lutana demandent qu'il y ait plus de formations sur différentes thématiques. Ils se sont exprimés ce lundi au cours d'une formation organisée par l'Association des jeunes rapatriés du Burundi en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR. La formation était centrée sur la lutte contre les violences basées sur le genre, la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et la lutte contre les drogues et les stupéfiants. Une correspondance signée Venuste Niramhag. Le camp des réfugiés de Moussaigne se trouve en commune Guiharo de la province de Rutana. Il a ouvert ses portes depuis avril 2024 et regroupe plus de 2000 réfugiés d'origine congolaise. Depuis ce lundi, les réfugiés de même camp, la population locale et les rapatriés vivant dans les environs du site bénéficient d'une sensibilisation sur la cohabitation, la lutte contre les violences basées sur le genre, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et la lutte contre la consommation des drogues. L'atelier a été organisé par l'Association des jeunes rapatriés du Burundi, AGRB en sigle, en collaboration avec le HCR. Dans son discours, Valérie Camden, qui a représenté le HCR, fait savoir que les textes juridiques du Burundi et internationaux ne tolèrent aucune forme de violence et lance un appel aux participants d'éviter les violences basées sur le genre et la consommation des drogues. De son côté, Jean-Claude Denis, qui est représentant d'AGRB, fait savoir que les lieux tels que le camp des réfugiés sont plus exposés aux violences basées sur le genre et la consommation des drogues, raison pour laquelle le camp des réfugiés de Monseigneur a été ciblé. Selon lui, la seule sensibilisation aux ces deux réfugiés ne serait pas concluante. Plutôt, il faut que les locaux et les rapatriés soient impliqués. Les bénéficiaires de l'atelier disent être satisfaits du contenu de la formation et demandent à ce que des séances de sensibilisation soient organisées pour d'autres domaines. Depuis Monseigneur en province de Rutana, Venise Niyamaga pour la radio Isanganiro. À la source, interview. Place à l'invité du journal, Alain Dikoumana, chef de bureau d'études stratégiques et de développement à la présidence de la République du Burundi, s'entretient avec Jean de Dieu Irakoze sur une table ronde qu'organisait le gouvernement burundais du 5 au 6 décembre en cours, et c'est sur la mobilisation des financements en vue de la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent 2040 et pays développé 2060. Alain Dikoumana, vous êtes le chef de bureau d'études stratégiques et de développement à la présidence de la République du Burundi. Bonjour. Bonjour. Le gouvernement burundais organise en date du 5 et 6 décembre la table ronde pour la mobilisation des financements. C'est pour la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Pourquoi le Burundi organise cette table ronde? Cette table ronde s'organise dans le cadre de la mobilisation des financements, comme vous l'avez déjà évoqué. Des financements pour la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Cette vision a été adoptée au mois d'août 2023. Ça fait à peu près une année et quelques mois. Donc l'étape suivante, essayer de mobiliser des fonds pour sa mise en œuvre. C'est pour cela qu'on a jugé bon de rassembler tous nos partenaires, qui sont nos partenaires classiques. Je veux dire les partenaires au développement comme la Banque mondiale, FIDA, FMI, Banque africaine de développement. Mais à côté de ça, nous avons un secteur privé qui a un rôle important à jouer. Là où nous donnons beaucoup plus une place importante, nous avons invité des investisseurs privés en provenance des pays étrangers qui vont accompagner les investisseurs locaux qu'on a sur place. Cette vision ne date pas d'aujourd'hui. Quels sont les principaux défis qui sont liés à sa mise en œuvre à ce moment? Le premier défi est la non-appropriation de cette vision par la majorité des Burundais, parce qu'à un certain moment, on veut confondre cette vision comme étant une vision du chef de l'État, mais c'est une vision de tous les Burundais. Généralement, ils nous donnent tout simplement une feuille de route à suivre. Mais chacun est appelé à porter sa pierre à l'édifice pour sa mise en œuvre. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi est lié au manque de financement. Et c'est pour cette raison qu'on a organisé cette table ronde. Mais le défi majeur que nous avons, c'est le cadre macroéconomique qui a connu des problèmes depuis un certain moment. Donc ça, c'est le deuxième défi qui n'est pas directement lié au Burundi parce qu'il y a des crises au niveau mondial qui sont en cours, notamment en Ukraine. Récemment, on avait connu Covid aussi, mais il y a aussi la guerre en Israël. Et un peu partout. Les financements traditionnels qui étaient alloués aux projets de financement dans la plupart de ces pays sont orientés vers le financement de ces crises. L'autre défi que nous avons, c'est le problème de la corruption. Vous le savez, ce n'est pas un secret de professionnel. Vous savez que la corruption est ancrée dans nos mentalités, mais on est en train de tout faire pour pouvoir faire face à ce défi. Et face à tous ces défis que vous venez d'énumérer, quels sont les changements attendus à la fin de cette table ronde? Je dois vous dire ici que parmi nos présentations que nous allons faire durant la table ronde, d'abord, le premier panel concernera la facilitation des investissements et l'environnement des affaires. Là, nous allons revenir beaucoup plus sur des réformes en cours pour essayer de rassurer que ce soit nos partenaires classiques, que ce soit pour les investisseurs privés et tout autre intervenant qui voudrait accompagner la mise en œuvre de cette vision. Précisément, la vision nécessite combien à terme de budget? Et à la fin, quel est le budget attendu? D'après le plan national de développement que nous avons aligné à la vision sur la période 2023-2028, là, ce que nous avons comme budget nécessaire sur les 5 ans, on a besoin de 28 milliards de dollars. Si je fais un calcul très simple, c'est-à-dire qu'on aura besoin de 5,6 milliards annuellement. Si je regarde ce que nous sommes capable de mobiliser au niveau national, au niveau de l'Aubert. On table chaque année sur 2000 milliards de francs comme recette intérieure. À côté de ça, nous avons des partenaires classiques qui se sont déjà engagés. Je peux citer par exemple la Banque mondiale. Sur cette période, ils sont à 1,5 milliard de dollars. Donc nous avons déjà un gap, c'est cela que nous allons présenter aux différents partenaires. Et ce gap sera soumis à nos différents partenaires sous forme d'aide au développement, sous forme de prêts concessionnels, sous forme d'investissement d'aides étrangers parce qu'il y a une place importante qu'on accorde beaucoup plus au secteur privé, ou sous forme des transferts des migrants parce qu'il y a notre diaspora qui doit participer au financement de cette vision. Quel est l'appel que vous lancez à tous ces partenaires qui sont attendus? Et l'appel qu'on lance, c'est de nous faire confiance parce que généralement, dans chaque projet, il y a cette confiance qui doit être établie entre les différents partenaires, c'est-à-dire l'État et nos différents partenaires. Il faut que ces gens-là nous fassent confiance dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et on est là juste pour les rassurer et on a mis en place une nouvelle stratégie nationale de la coopération et développement où on essaie de mettre en exergue les différentes réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre juste pour assainir le cadre macroéconomique. Alain Dukumana, vous êtes le chef de bureau d'études stratégiques et de développement à la présidence de la République du Burundi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, pour clore cette édition, juste une actualité, une brève en international pour vous faire savoir que la Namibie est désormais dirigée par Madame Netumbo Nandi-Ndaitwa. Elle devient ainsi la cinquième présidente de la République namibienne. L'élection présidentielle a eu lieu le 27 novembre de cette année. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.